On a vu toutes les couleurs, on est remonté contre l'État. Pour s'en sortir, mes frères ont mis des charbonneurs à l'étage. On fuck l'État, on fuck l'État, on fuck l'État, on fuck l'État. On en a vu toutes les couleurs, on est remonté contre l'État. Pour s'en sortir, mes frères ont mis des charbonneurs à l'étage. On fuck l'État, on fuck l'État, on fuck l'État. J'ai trop les dents, j'perds mon temps, faut que j'avance, j'ai pas raison. Moi j'ai rien, j'veux la caisse, la mine, j'ai la maison. Y'a que des faux et des folles, faire trahir, crois-moi c'est faux. Y'a du bif, y'a des fauves, niquer les siphons, les fous. Trop de faux cul, j'en ai marre, j'suis bien ou su qu'ils me laissent, y'a plus de confiance. Non, non, non, j'ai plus de cœur, qu'ils me blessent. Y'a un bruit, en soirée, ils sont pas avec nous, laissez-les. Vous les avez séparés, ils font les fous, blessez-les. J'ai assez roupillé, maintenant j'veux tout piller. Miss comment t'oublier, on fait la photo sourire. J'analyse, j'parle pas, mais c'est ancré dans ma tête, y'a le bon son par là-bas. Liga One, Inch'Allah, ça pète. De Marseille à Paris, y'a nos sons dans toute la France. T'es pas de notre gabarit, ramène qui tu veux, je l'affronte. De Marseille à Paris, y'a nos sons dans toute la France. T'es pas de notre gabarit, ramène qui tu veux, je l'affronte. On en a vu toutes les couleurs, on est remonté contre l'État. Pour s'en sortir, mes frères ont mis des charbonneurs à l'étage. On fuck l'État, on fuck l'État, on fuck l'État, on fuck l'État. On en a vu toutes les couleurs, on est remonté contre l'État. Pour s'en sortir, mes frères ont mis des charbonneurs à l'étage. On fuck l'État, on fuck l'État, on fuck l'État. C'est ma folle, je suis pas marié.